Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, aujourd'hui on va continuer la série sur jouer son personnage et on va parler de pas jouer son personnage. Voilà. Ouais, voilà, donc grosso modo, juste pour faire un épisode de plus, on va parler du rien en jeu de rôle. Bon, blague à part, ça me semblait intéressant de traiter ce qui semble être un non-sujet en fait et d'en tirer quelque chose d'intéressant. Ici, on va se concentrer en fait sur le point de vue des joueurs et on va découper le rien, le non-geste en trois catégories: le non-dit, le non-jeu et le non-joué, pour te montrer en fait que ça va enrichir le jeu. Alors, d'abord, le non-dit. Le non-dit, ben, c'est ce que le perso ne dit pas, mais qui peut être sous-entendu par une description, par un discours méta ou par la verbalisation de ses pensées. C'est-à-dire, voilà, mon personnage ne dit rien. Mais voici ce qu'il pense. Et en fait, ça marque une pudeur, ça marque un secret. Je te renvoie à la vidéo récemment sortie, la vidéo pour garder un secret. Ça renvoie une incompréhension, une hésitation, une résistance intérieure. Et bien sûr, ça a aussi un intérêt, même si on, bon, ça peut avoir un intérêt si on joue en transparence. Donc, en transparence, c'est quand, en fait, et il y a des secrets entre personnages, mais il n'y en a pas entre joueurs. Donc, par exemple, mon personnage peut très bien taire des choses, mais je vais verbaliser ses pensées, comme je vous ai expliqué. Mais c'est aussi intéressant, ce non-dit, c'est aussi intéressant, même quand on joue sans transparence, parce que à ce moment-là, il y a toujours du jeu intérieur. Je te renvoie à la vidéo sur le sujet. Et l'existence du jeu intérieur, ça vient contredire l'affirmation de Grant Howitt, que j'avais déjà battu en brèche, hein, qui affirme que ça n'existe pas si tu n'en parles pas. Bah, en fait, un fait de jeu, il existe même si tu n'en parles pas, parce qu'il existe au moins dans ta tête, dans ton cœur. Voilà, ça c'est la force du jeu intérieur. Le non-dit, ça me fait aussi penser au personnage muet. Souvent, jouer un personnage muet, c'est vécu comme la plus grande difficulté, que ce soit en jeu de rôle ou en GN. Mais en fait, un personnage muet, il peut être expressif, il peut être compréhensible, si par ailleurs on utilise le non-verbal, la gestuelle, les textes, les descriptions, le discours méta. Et il peut aussi y avoir un accompagnement qui soit présent, que ce soit un PNJ qui va traduire ce que dit le personnage muet en langue des signes. Pourquoi pas de la magie télépathique? Pareil, qui fait compenser le mutisme du PJ. Ou tout simplement, on peut dire que dans cet univers de jeu, tout le monde parle la langue des signes, et donc en fait, le mutisme n'est pas tout à fait un handicap, hein, vu que tout le monde parle la langue des signes, donc tout le monde comprend le personnage muet. Alors, ces deux exemples, à la fois généraux et particuliers, sur le non-dit, ça illustre en fait que le bon jeu ne passe pas forcément par la clarté et la compréhension mutuelle, mais qu'il y a aussi du jeu qui ressort, du secret, du quiproquo, ou simplement de ce que j'appelle la danse empathique, c'est-à-dire le parcours d'embûches en fait pour se comprendre, pour se rejoindre, pour accoucher la confidence de l'autre. Et ça, donc, que ça passe sous forme de jeu à secret, c'est-à-dire en convergence, c'est-à-dire que ce que mon personnage ne dit pas, moi en tant que joueur, je ne le dis pas non plus. Donc ce qu'on n'entend pas de la bouche du personnage, on ne l'entend pas non plus de la bouche des joueurs, quoi. Donc il y a de la convergence, le même état, la même position entre joueur et personnage. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, bien sûr, le non-dit a aussi un intérêt, voilà, quand on joue en transparence. Maintenant, le non-jeu. Alors, le non-jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une autre forme de vacances qu'on pourrait voir comme plus négative. En tout cas, c'est généralement mal vu, le non-jeu. Alors, ça peut être par exemple la centaurette, c'est-à-dire, tu sais, ce ou cette joueur qui parle pas, quoi, qui s'exprime pas. Donc, ça peut être cette centaurette, ça peut être une personne timide. Hein, je renvoie ma vidéo sur les timides. Ou tout simplement une personne qui kiffe être dans une posture de public. Il est possible des fois que ce soit quelqu'un de très extraverti par ailleurs ou dans d'autres parties, mais qui, sur cette séance à minima, bah, a envie d'être public. Et du coup, cette personne elle peut se situer un peu dans une zone de hors-jeu, ce qu'en impro, en impro, on appelle le banc de touche. C'est-à-dire, tu n'es pas sur la scène, tu es hors-jeu, donc on peut même considérer que ton personnage n'est pas dans la scène, tu vois, il n'est même pas, non seulement il n'est pas actif, mais peut-être même pas présent, tu vois. Mais toi, en tant que joueur, tu es là, ça veut dire que tu peux même commenter ce qui est en train de se passer. Donc tu peux être finalement très, très... Tu peux verbaliser énormément de choses alors que ton personnage n'est même pas là, quoi. Hein. Tu peux bien sûr aussi faire tout ce qui est dans le registre du non-verbal, donc pareil, tout un tas de postures, d'approbation et de commentaires, mais de façon non-verbale, quoi. Après, cette personne qui ne joue pas, ça peut être aussi tout simplement un personnage qui fuit l'aventure, quoi. C'est soit par refus de se prêter au jeu, ou soit par refus de ce qu'on appelle le play to risk. J'en vois la vidéo de Kaku décidé sur la chaîne de Lestar, hein, qui s'appelle le play to risk. Grosso modo, Kaku explique le play to risk, c'est une façon de jouer qui est ni du play to lose, ni du play to win, mais qui est une sorte d'entre-deux où l'idée c'est qu'on joue pour mettre son personnage en danger. Pas forcément pour qu'il en pâtisse, mais en tout cas, on accepte de... Voilà, on accepte d'aller au charbon, et puis c'est même l'intérêt du truc, c'est de mettre son personnage dans les postures où tout est incertain, tout est dangereux, quoi. Tout est inconfortable, quoi. Et voilà, et bon, bah évidemment, il y a certaines catégories de joueurs. Bon, il y a des MJ qui proposent littéralement des aventures taillées pour ça, pour le play to risk. Mais il y a des joueurs qui refusent cette posture, quoi. Et du coup, quand ces joueurs sentent que là, on est parti sur une aventure risquée et tout, où il n'y a pas de garantie que le personnage survive et tout, eh bien, il est possible que, on ait, voilà, une attitude de ne pas jouer, tu vois, pour pas risquer, quoi. Je t'ai souvent donné cet exemple, par exemple, du pilote de vaisseau spatial à Star Wars qui ne voulait surtout pas faire de cascade avec le vaisseau et tout. Il fallait le traiter voilà, comme une princesse, ce vaisseau. Et surtout, voilà, on ne faisait pas de cabriole, on n'allait pas faire les fifous dans les astéroïdes et tout, pas de course-poursuite, on montait pas dans les tours, voilà, parce qu'il fallait surtout pas... Enfin, il y avait une énorme peur de se crasher, quoi. Voilà, d'autres façons de, d'autres sortes de non-jeux, bah, c'est évidemment le jeu qui piétine, les phases de shopping, d'enquête qui n'en finissent pas. Alors, à nouveau, ces phases-là, on peut aussi les voir de façon positive. Ce qu'on appelle le RP Dinet, qui peut être très appréciable et très apprécié. Il y aura une vidéo sur le RP Dinet, hein, où on va tenter de sauver, de sauver cette façon de jouer. On peut aussi voir en fait des phases de simulation de l'ennui ou à minima de temps calme. Il y a un article de Jérôme Larré et Coralie David là, sur jouer les scènes calmes. Et bien sûr, je te renvoie aussi à ma vidéo sur le jeu de rôle sans conflit. Il y a un GN de Monsieur Marbonne de KF qui s'appelle Merde mon train, où le but c'est de se réunir pendant une heure sur un quai de gare où on joue des personnages qui attendent leur train. Et en fait, il se passe rien, ils ont même pas grand-chose à se dire et tout. Et le but, c'est d'essayer de jouer cet ennui voilà, jusqu'au maximum supportable, quoi. Après, voilà, est-ce que toutes ces formes de non-jeu sont compatibles avec ce qu'on attend du jeu de rôle, et notamment l'ennui, quoi, l'inaction. En fait, est-ce qu'on peut faire le désert des Tartares en jeu de rôle? Ou est-ce qu'on peut faire Bartleby? Bartleby, c'est un roman avec l'histoire d'un personnage qui est plus clerc de notaire ou employé de bureau, quelque chose comme ça, et qui, un matin, décide, il a cette phrase, je préférerais ne pas, et il décide en fait de démissionner plus ou moins de la vie, quoi. D'abord, il va refuser de travailler, ensuite, il va refuser d'aller au travail. Et puis, il va finir par refuser toute forme d'action, je crois que jusqu'à arrêter de s'alimenter et tout, voilà. Est-ce qu'on peut jouer Bartleby en jeu de rôle? Je sais pas si c'est possible, je sais pas si il y aurait beaucoup de personnes qui apprécieraient de le faire. Je pense qu'il y a au moins un jeu avec lequel ce serait intéressant à jouer, c'est s'agit du témoignage, qui est un jeu qui est beaucoup sur des émotions et tout, et sur des situations qui dépassent les personnages. Donc, je pense que le témoignage pourrait être très bien pour jouer un truc comme Bartleby, par exemple, ou le désert des Tartares, des attentes insupportables, au contraire, des attentes désirées, presque comme des momifications méditatives volontaires, quoi. Une sorte de refus, de démission, de retrait de la vie. Alors, le non-jeu, ça peut être plein d'autres choses, en fait. C'est aussi tous les moments de convivialité qui mettent du gras, en fait, dans une partie de JDR, quoi, qui mettent du gras autour de la fiction. Je te renvoie à un article de Pascal Martinoli, sur la convivialité dans le jeu de rôle, en fait. L'hospitalité, le jeu de rôle comme rituel d'hospitalité. Et, en fait, aussi... C'est quoi le gras entre la fiction? C'est aussi bah, toutes les mécaniques qui prennent du temps et qui parfois jouent à notre place. J'en vois la notion d'interstice et de mécanique, c'est une notion de Valentin T qui explique qu'en fait, quand il y a des mécaniques dans un jeu de rôle, les mécaniques ont tendance à jouer à notre place. Et en fait, quand on utilise les mécaniques d'un jeu de rôle, par exemple quand on lance les dés, quand on regarde ce qu'il y a sur notre feuille de personnage, eh bien, en fait, on n'est pas en train de jouer, quoi. Que le jeu se situe au moment où on n'utilise pas les mécaniques. À l'inverse, d'autres qu'on considérait que le non-jeu, c'est justement quand on n'utilise pas les mécaniques, c'est tout ce qui est les moments de freeform sauvage. Alors voilà, on a joué 1 heure sans lancer les dés. Certaines vont considérer ça comme étant du non-jeu, quoi. Voilà, vous n'avez pas joué au jeu, vous n'avez pas utilisé les mécaniques, vous n'avez pas joué au jeu, quoi. Mais le non-jeu, c'est encore plein d'autres choses. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et notamment, en GN, il y a ce qu'on appelle le refus de jeu. C'est-à-dire quand je vais éviter de relationner avec un autre personnage, peut-être même éviter de relationner avec plusieurs personnages, voire l'ensemble des personnages, quoi. Et en fait, ça, tu peux le voir, le refus de jeu, comme une mécanique d'autodéfense, de sécurité émotionnelle, ou plus exact, ou des fois juste de repos, hein, de détente, hein. Quand il y a trop de relations, bah, on va décider de faire du refus de jeu. Mais le refus de jeu, c'est aussi pour éviter des personnes que tu juges toxiques. Hein, du coup, tu vas refuser de relationner avec leur personnage. Et notamment, pour signaler le refus de jeu, par exemple, dans les centres, on peut utiliser un signe gestuel, qui est le signe gestuel « j'ai la tête sous l'eau », quoi. Voilà, si quelqu'un te propose une relation, tu fais comme ça. En mode, non, mais là, je suis trop. C'est une façon un peu polie de dire, voilà, je suis trop. Enfin, ça veut dire que je suis trop occupé pour jouer avec toi. Après, des fois, c'est juste une façon un peu polie de signaler, pour dire, je ne veux pas jouer avec toi en particulier, parce que je suis en conflit, en fait, avec la personne que tu es. Hop. Et il y a aussi plus exact, plus largement ce qu'on appelle le droit de retrait. Le droit de retrait ou politique de la porte ouverte, c'est le droit en fait de quitter une partie temporairement pour faire une pause ou définitivement quoi. Avant la fin de la dite partie quoi. Et puis tout ce qui est non-jeu, c'est également, bah, voilà, je parlais de prendre son temps, faire des pauses. Ça peut être des pauses collectives, mais ça peut être juste, non, moi je fais une pause, personne ne veut faire une pause, mais moi j'en fais une. Tant pis, je vais m'allonger là, 10 minutes, je vais bouquiner, tant pis, je vais sortir du jeu, moi j'ai besoin d'en sortir un peu. Si les autres veulent continuer, bah, ils continuent, je reviendrai après. Tu peux utiliser la fameuse carte pipi, qui est une carte pour dire, bah, là j'ai besoin de faire une pause parce qu'il faut que j'aille aux toilettes, hein, tout simplement. Voilà, s'autoriser à ne pas forcément suivre le rythme effréné, sans pause, du reste de la table, quoi. C'est également faire des pauses pour faire des débriefings intermédiaires, hein. Moi je pense que les débriefings intermédiaires sont bien meilleur que les débriefings en fin de partie, c'est que si on a des problèmes, il faut faire des pauses en cours de partie pour résoudre les problèmes en cours de partie, et non pas faire une pause en fin de partie pour... sinon, dans le cadre d'un one-shot, en tout cas, ça sert à rien de se dire tout ce qu'il y a eu comme problème en fin de partie, Pour moi, c'est trop tard, donc il faut faire des pauses à l'intérieur de la partie. Et bon, pour le non-jeu, c'est aussi bien sûr tout le temps hors-jeu. Donc, les débriefings, tout ce qui est infodump, les digressions, les blagues méta, le hors-jeu, les moments de bouffe, le small talk, etc. Tout ce que, en général, et je m'inclus là-dedans, on voit comme une perte de temps, bah, on peut aussi le voir comme une composante essentielle de la convivialité, et donc une composante de l'expérience jeu de rôle, quoi. Le jeu de rôle, c'est pas que la fiction, c'est aussi la bouffe qu'on se fait avant, le small talk qu'on fait après, les blagues qu'on fait pendant, c'est aussi ça, l'expérience jeu de rôle, c'est aussi tout ce non-jeu, quoi. En fait, comme expérience sociale, tout simplement, quoi. Voilà, tout ce gras entre la fiction et tout, je te renvoie à mon article « Le jeu de rôle n'est pas un jeu » et également à la conférence d'Olivier Caïra en défense des rôlistes somnolents, où Olivier explique que, voilà, que tout ce non-jeu est en fait assez structurel du jeu de rôle, quoi. Voilà, le non-jeu, c'est aussi l'absence d'un personnage. par exemple, au cours de la campagne, si on joue, ou de la partie, si on joue en table ouverte. Je te renvoie à ma vidéo sur comment jouer une campagne, voilà, s'il manque en l'absence d'un ou de plusieurs personnes. Le non-jeu, c'est aussi ce qu'on va appeler des fois l'anti-jeu. C'est-à-dire quand, en fait, c'est on joue, mais on joue pas de la bonne façon, quoi. Simplement, par exemple, quand un ou une joueur ne joue pas le jeu, quand MJ va casser les règles du jeu, va transformer le jeu en histoire dirigiste aussi, on peut considérer ça comme de l'anti-jeu. Bien que, bien sûr, il y a des scènes qui vont embrasser positivement le dirigisme, soit parce qu'on est une recherche du non-protagonisme. J'aurai une vidéo à venir qui s'appelle « En finir avec le protagonisme ». Ou encore parce qu'on cherche à faire du fate play, c'est-à-dire à jouer un script de personnage comme composante essentielle de notre roleplay. Alors, je vais finir sur le non-jeu avec une petite anecdote autour d'un scénario romanesque que je suis en train d'écrire qui s'appelle « Ce que chaque main était à l'autre » et que j'ai testé récemment. Et donc, parmi les prétirés, il y a ce personnage qui s'appelle Jonky, qui a un rôle assez central en fait. Jonky est à l'agonie et à peu près tout le monde veut essayer de la soigner, quoi. Donc on peut considérer ça comme un rôle central. Mais en même temps, Jonky elle-même n'est pas motivée à faire quoi que ce soit pour arranger sa situation, tout simplement parce que Jonky a une vision et est persuadée qu'elle va guérir. Et du coup, bah, il n'y a rien à faire, de toute façon elle sait qu'elle va guérir, donc bah, tout va bien, quoi. Et donc c'est pas du tout un personnage agissant, en fait. C'est plus un personnage agi qu'un personnage agissant, quoi. Et donc, Jonky est surtout dans la réaction, et la personne qui joue va être surtout dans, voilà, dans jouer l'impact, commenter notamment les situations qui la concernent, alors que Jonky n'est pas là, quoi. Jonky est sur son lit en train d'agoniser, et les autres font plein de trucs qui la concernent, et la personne qui joue Jonky, si on joue en transparence, il vaut mieux jouer ce scénario-là en transparence, bah, commente en fait, commente ce qui se passe. Et voilà, ces configurations-là, en fait, de personnages inactifs, c'est des configurations contre lesquelles on peut lutter. Par exemple, un jeu comme Influenza fait tout dans ses mécaniques pour maximiser la capacité d'action des personnages, qui peuvent agir, en fait, même s'ils ne sont pas là, même s'ils sont inconscients et tout, même s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ont toujours une capacité d'action télépathique sur les choses, quoi. Et donc, si on jouait ce que chaque main était à l'autre, par exemple, avec Inforenza, eh bien, Jonky pourrait être beaucoup plus active. Mais on peut également, en fait, considérer ces personnages non actifs comme désirables. Je te renvoie bien sûr à ma vidéo sur les joueurs timides, et des joueurs timides qui peut-être adoreraient jouer Jonky et se retrouver au centre de l'attention sans avoir de leur côté beaucoup à agir. C'était un long tunnel sur le non-jeu. Ouais, moi je suis capable de parler très longtemps de rien. Je suis le Flaubert du jeu de rôle. Voilà. Et on va conclure en fait avec la troisième partie. du rien en jeu de rôle, qui est le non-joué. Le non-joué, en fait, en gros, c'est les actions qui ne vont pas être jouées, qui ne vont pas être interprétées. C'est en fait ce que le personnage ne va pas faire. Il va faire des choses, mais il y a aussi des choses qu'il ne va pas faire. Et tout ça, c'est le domaine du non-joué. Alors, plus exactement, il peut les faire, mais en fait, si les mécaniques, par exemple, les prennent en charge, je te renvoie à ma vidéo sur faut-il rouler les dés par du social, bah voilà, le personnage le fait, mais on le joue pas, quoi. C'est du non-joué, parce que voilà, tu fais juste un jet de diplomatie, tu fais pas du tout de roleplay, et puis c'est fait, quoi. Bon, après, si on a un petit peu parlé non, avec interstices et mécaniques, ça peut aussi. Le non-joué, c'est aussi toutes les actions du personnage qui sont ellipsées. Bon, bah, vous partez en voyage, le voyage dure 3 mois, vous arrivez à la ville. Les personnages ont fait plein de choses pendant ce voyage, mais on a fait une ellipse, donc bah, ce sera pas joué. Je te renvoie à mon article sur qui s'appelle Le jeu de rôle et l'art de l'ellipse. Et puis, il y a aussi tout ce qui est hors champ, en fait, qui ne rentre pas dans le cadre temporel de la partie ou de la campagne. Ça veut dire, c'est le passé du personnage avant que débute l'aventure, et c'est l'avenir du personnage après la fin de l'aventure. Voilà, qu'est-ce qui arrive à Frodon Sacquet une fois qu'il est rentré à la comté et que tous les problèmes ont été réglés. Bon, c'est ce qui arrive, puisqu'au bout d'un moment, il partira dans les Havres. C'est pas un bon exemple, mais bon, grosso modo. Ah, je te renvoie. Il y aura une vidéo sur les épilogues de personnages où on va justement essayer justement de jouer le personnage jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'à la fin d'un one shot ou d'une campagne, si le personnage est toujours vivant, peut-être même qu'il a de beaux jours devant lui, on va prendre quand même 5 minutes à raconter en fait comment il finit sa vie, donc de façon un peu accélérée, on clôture le personnage, mais la plupart du temps, ça n'a pas lieu en fait, la plupart du temps. Eh bien, quand la partie s'arrête, le personnage, il est toujours vivant, et le reste de sa vie, bah, on ne sait pas ce qui se passe. On ne le joue pas, quoi. C'est le non-joué. Je vais m'en sortir, c'est bon, on voit le bout, vous inquiétez pas. Le non-joué, en fait, ce sont aussi les actions que le personnage envisage. Je pourrais attaquer la banque, je pourrais déclarer ma flamme à tel PNJ et tout. Mais abandonne, soit parce qu'une tierce partie l'en dissuade, bah tout simplement tu dis ouais, bah tiens, je veux prendre telle initiative, et il y a tel PJ qui dit non, non, c'est pas d'accord, je suis pas d'accord, tu dois pas faire ça, hop, on fait un jet social dans notre position, je le rate, bon bah le truc que j'avais dit que je ferais, finalement je le fais pas, parce que j'ai été persuadé de ne pas le faire, quoi. Ou soit parce que voilà, en tant que personnage, j'envisage de faire une chose, j'y renonce par moi-même. Parce qu'il y a un conflit intérieur. Par exemple, dans Inforenza, tu peux littéralement jouer un conflit contre toi-même, justement, quand tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu vas jeter les dés contre toi-même pour savoir si tu prends la décision ou si tu ne la prends pas. Ou tu peux aussi tout simplement renoncer à une action par aversion du risque et dire, eh ben, en fait, si on pourchasse les sites dans la ceinture d'astéroïdes, on va crasher le vaisseau, vaut mieux pas qu'on le fasse, tant pis, on ne le fait pas. Et voilà, on arrive encore sur du non-joué. Et il y a aussi, bien sûr, toutes les actions qui ne sont pas jouées juste parce que le personnage n'en a pas l'idée, quoi. Des fois, le joueur peut en avoir l'idée, mais typiquement, je joue un orc avec 5 ans d'intelligence, et voilà, c'est raciste de dire avec les orcs. Je joue un elfe. Voilà. Je joue un elfe avec 5 ans d'intelligence. Eh bien, comment. Je dis, ah bah tiens, je vais prendre les méchants en filature et tout, ça me semble malin de faire ça. Et là, peut-être que MJ va demander, ok, bah fais un jet d'intelligence, à 5 ans d'intelligence, tu l'as raté, non, tu penses pas, c'est trop futé, tu vois, c'est trop futé comme idée, donc tu n'y penses pas, tu peux pas le faire, quoi. Et donc voilà, des fois, enfin, grosso modo, il y a plein de moments où on dit mon personnage va faire ça, pourrait faire ça et tout, et pour toutes les raisons que je t'ai énumérées, finalement le personnage ne le fait pas. Ça n'a été que spéculé à haute voix, envisagé, mais ça n'a jamais été actualisé dans la fiction, quoi. Et il y a un peu une ironie dramatique en fait hyper importante dans qui fait l'intérêt en fait du non-joué, quoi. C'est-à-dire que les joueurs ou la table, en fait, savent que ça aurait pu être, mais en fait, ça n'a pas eu lieu dans la fiction, quoi. Et bah, on peut cependant se projeter de façon plus ou moins profonde dans le non-joué. C'est pas forcément une phrase lapidaire, dire « j'aurais pu faire ça, je le fais pas ». On peut, en fait, ce j'aurais pu faire ça, on peut passer toute une scène, voire même de longs moments, en fait, à le jouer pour finalement dire que ça n'a pas lieu. On peut faire une projection mentale, ça peut être un rêve du personnage, on peut jouer en vertige logique, c'est-à-dire, par exemple, on va explorer plusieurs futurs parallèles du personnage. Ok, bah, qu'est-ce qui se passe si tu essayes de tuer le méchant? Qu'est-ce qui se passe si plutôt tu fuis la contrée? Qu'est-ce qui se passe si tu rejoins les troupes du méchant, tu changes de bord et tout? Voilà, on explore différents cas de figure, différents scénarios, et on peut y consacrer du temps à les jouer. Et puis à la fin, on tranche, on dit ok, bon bah sur toutes ces possibilités, finalement laquelle tu choisis de faire? Ok, bah, je choisis la possibilité B, c'est-à-dire que A et C, on les a joués, mais finalement c'est annulé, ça n'a pas lieu. Et bon bah évidemment, c'est le moment aussi de parler de tout ce qui est carte X, technique de Luckstone, voilà, qui sont des méthodes de sécurité émotionnelle qui peuvent totalement annuler ou reconfigurer une scène après qu'elle ait été jouée, quoi. Et voilà, ça rentre tout à fait aussi dans le registre du non-joué. Et on peut encore pousser la formule du non-joué à son paroxysme avec des jeux, par exemple, comme la Griffe Noire, qui sont des jeux tout simplement sans personnage, où on va essentiellement décrire des décors, des ambiances, et en tout cas, on n'a pas de personnage à nous, quoi. Bah voilà, c'est le nectar du non-joué. voilà, tout est dans le non-dit, et eh bien j'espère que beaucoup de gens iront le non-voir. Voilà, vous avez certainement la ref, si vous êtes vieux comme moi. Bref. L'absence de jeu, en fait, voilà, qui se décline dans le non-dit, le non-jeu, le non-joué, j'espère t'avoir démontré que c'est en fait très fertile, que ce soit pour le jeu intérieur ou pour la tablée dans son ensemble. Et aussi, je trouve que ça nous instruit davantage, si on en était besoin, bah, sur la polysémie du terme jeu, que ce soit le jeu en général ou dans le jeu de rôle en particulier, voilà, qui a. Le terme jeu a plein de définitions possibles et qui vont inclure ces formes-là presque antinomiques, presque contraires, que sont le non-dit, le non-jeu, le non-joué, quoi. L'anti-jeu, le hors-jeu, le méta-jeu, voilà, sont aussi du jeu, quoi. Et voilà. Et bien là-dessus, râlez moins, non-jouez plus. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Je pense qu'il y a encore au moins une vidéo sur. Bah c'est peut-être bien les épilogues de personnages là qui va suivre. Et puis, eh bien, on s'embrasse pour ceux avec qui c'est d'accord. Sinon, une chaleureuse poignée de main virtuelle suffira. Ciao!